est dans la galère. Certaines mégas se leurrent et dans des bras on se perd et dans des draps on se meurt. Le linceul, peur de tout être humain, abandonné, peur de ne plus tendre sa main. Dans ses écouteurs, un coup de cœur, un coup de peur, après un coup de main, un coup de rein, dans un décor plombé de fleurs. C'est dingue comme la peine peut rassembler du monde. C'est dingue la peur que peut filer une alerte à la bombe. Bref, j'écris, je me défonce et je taffe grave. Chaque jour je fais en sorte d'être un peu plus brave. J'ai pris conscience que je n'ai fait qu'envier les autres, alors que j'ai les principes et des valeurs entre autres. J'ai remarqué que les larmes traduisent les sentiments, et quand les sentiments qui nous aident à évacuer mes gentiments. On dit qu'une reine ne peut que se voir quand en rêve. Je vis l'éternel songe puisque chaque jour je vois ma mère. Comme tout le monde, je le dis, j'ai quelques potes, mais rares sont ceux qui peuvent voir à travers ma coque. Si j'avais de la place, je ne ferais que m'exprimer. La mer comme en cri et la terre comme bout de papier. Pas prêt. Pas prêt de lâcher prise. Après tout, c'est la vie de tous, et ouais, c'est la crise. Dans un coin sombre, j'ai senti cette brise. Sur le coin de cette lèvre, je dépose ce sourire. Oublie le temps, car selon la situation, on le trouve toujours trop court ou trop long. Au fond, on a peur de se l'avouer. On vise l'Eldorado, l'éternel insatisfait. Pour ma part, l'étreinte de la vie m'a poussé à bout. Mais HKM est là, voilà mon garde-fou. J'ai compris que la roue tourne, que tout arrive, même pour ceux qui n'attendent rien en retour. Une parole pèse, gars, et ça étonne. C'est pour ça, gars, que j'en débite des tonnes. Je jette l'encre et je revendique. Esprit tourmenté, mon cœur est pris pour cible. Sans souci, ces jours-ci, j'écris, je lévite et je ris. Car je suis la passion du désespoir, sa raison de vivre. Son péché mignon, elle me fait des yeux doux. Elle m'attend au tournant pour mieux me traîner dans la boue. Savez-vous vraiment ce que c'est qu'un mal de vivre? Non, ça saigne ton cœur et ça t'empêche de vivre, ouais. Ça t'empêche de dormir, de sourire. T'as même pas le temps de pousser un soupir. Trop mondier, t'exagères, saphir. Je prends 2 secondes et je respire à moi-même.